Agro J'écoute, ça commence maintenant. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. Le McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce qu'il y a des fois, là, on se trompe. Cible, ça veut dire que ça tue. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cible devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous, vous êtes sur Campus FM en présence d'étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan. Donc dans l'émission Agro J'écoute, nous allons donc aujourd'hui vous parler d'agriculture et 5 autres émissions sur l'agriculture également ont été réalisées par nos camarades et seront diffusées très prochainement. N'hésitez pas à les écouter, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur l'agriculture donc en podcast sur le site de Campus FM. Donc aujourd'hui, pour parler de notre thématique, seront présents autour de la table Léa De Oliveira. Bonjour. Sandrine Hersemeul. Bonjour. Samuel Rousseau. Bonjour. Et moi-même, Alix de la Plaza, et nous allons vous parler de l'agriculture et de durabilité. On se retrouve après une transition musicale, vous allez écouter Time de Glue 70. Vous êtes de retour sur Agro J'écoute. Dans cette émission, nous traiterons dans un premier temps de services rendus par l'agriculture. Puis, dans une deuxième partie, nous contrerons certaines idées reçues concernant le secteur agricole. Avant de commencer, Léa, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce qu'est la durabilité ? Oui, bien sûr. Donc, la durabilité se résume en la capacité d'un système, par exemple, à perdurer dans le temps, avec une certaine stabilité. Donc quand on parle d'agriculture durable, on entend par là une utilisation des ressources, donc l'eau, le sol, les nutriments, etc., qui ne compromet pas son utilisation par les générations futures. Merci Léa pour cette précision. Donc pour ce premier sujet, sur donc la durabilité en agriculture, Sandrine, je te laisse nous présenter les finalités de l'agriculture. Alors tout d'abord, il faut savoir que le premier objectif de l'agriculture, c'est la production de biens. Ces biens sont principalement des denrées alimentaires, mais pas seulement. Nous cultivons également des plantes à usage industriel, textile ou pharmaceutique. Certaines de nos productions fournissent également des coproduits aux multiples usages. Par exemple, nous avons l'apiculture qui produit du miel mais aussi de la cire, ou les élevages d'oies qui produisent des œufs, de la viande, mais aussi des plumes. D'accord, donc en fait l'agriculture permet entre autres de nous nourrir et donc l'agriculture finalement ça ne nous apporte que des biens matériels ? Alors pas seulement, parce que l'agriculture est aussi à l'origine de la gastronomie française, qui fait partie de notre patrimoine. Elle est d'ailleurs reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si l'on parle de terroir, c'est bien parce que des savoir-faire traditionnels ont créé des liens forts entre agriculture, humain et territoire. Donc finalement, notre histoire et notre culture ont été façonnées par l'agriculture. Merci. Pardon. Vas-y, continue. On peut prendre comme exemple les fêtes qui coïncident avec les périodes de récolte ou de production, comme la fête du Beaujolais nouveau. Merci Sandrine. Et toi Samuel, tu souhaites nous parler d'une autre forme de service à laquelle les gens ne pensent pas forcément. Alors oui, tout à fait. Donc en plus des services cités par Sandrine, on connaît un peu moins souvent en tout cas les services qui sont rendus par l'agriculture à l'environnement en fait. Effectivement, on a tendance plutôt à voir de manière négative la relation qui peut s'établir entre agriculture et environnement. Cependant, l'agriculture a plusieurs impacts positifs sur l'environnement. Donc, par exemple, je vais juste introduire du coup la notion d'écosystème qu'on utilise souvent pour faire référence à l'environnement. Donc, en fait, ça désigne la relation qui s'établit entre des êtres vivants et un milieu, tout simplement, un écosystème. Or, la pratique agricole, elle peut s'intégrer dans cette approche et elle est donc il est complètement possible en fait d'analyser quels seront les impacts positifs d'une activité agricole sur un écosystème. Voilà. Merci Samuel. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ces impacts positifs de l'agriculture ? Bien sûr. Donc l'impact le plus visible, c'est la création des paysages. Donc ça, c'est assez évident à voir. C'est par exemple l'agriculture à laquelle nous devons les paysages donc de pâture montagnarde. En fait, l'ouverture de ces paysages a été possible grâce à des pratiques d'élevage. Donc ces pratiques spécifiques qu'on appelle pastoralisme, Elles jouent vraiment un rôle très important dans certaines régions. Par exemple, à certains endroits, la présence d'animaux va permettre un débroussaillage qui ensuite prévient les incendies. Également, de manière générale, le pastoralisme permet de valoriser des espaces qui sinon seraient inexploités complètement. Également, un point important, c'est que dans les espaces pastoraux, la biodiversité est très élevée. Donc ça peut être une biodiversité de végétaux ou même d'animaux. Donc pareil, qui s'inscrit également dans cette idée, il y a la gestion des espaces boisés qui est également un levier très important pour améliorer la durabilité environnementale donc des systèmes agricoles. Parce que les arbres sont présents dans plein de modèles agricoles différents. Les plus courants, donc, c'est les vergers. Mais il y a également des haies ou des bocages qui peuvent être présents dans d'autres types de paysages agricoles. Voilà. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu nous dis qu'il est possible de combiner les arbres et l'agriculture. Oui, tout à fait, ça s'appelle l'agroforesterie. Voilà. Donc c'est pas forcément une pratique qui est très connue, mais elle consiste à effectivement combiner à la fois les bénéfices des arbres et de d'autres cultures, donc des cultures annuelles par exemple. Voilà. En général, donc le fait que le sol soit couvert donc par des végétaux, donc ça peut être des arbres ou d'autres plantes. Donc cette couverture permanente, ça permet d'avoir toutes sortes d'avantages. Donc la protection du sol, donc contre l'érosion par exemple, mais aussi la rétention de l'eau ou le stockage de carbone. Voilà. D'accord, donc si j'ai bien suivi, avec des pratiques comme l'agroforesterie, il est possible de combiner les productions agricoles et la protection de l'environnement. Pourtant, on entend quand même beaucoup plus parler des impacts négatifs de l'agriculture. Oui, alors effectivement, on ne peut pas et il ne faut pas nier que l'agriculture peut avoir des impacts négatifs. Surtout si on prend l'exemple d'un modèle agricole industriel qui utilise beaucoup d'intrants et consomme beaucoup de carburant. L'ensemble des impacts environnementaux de l'agriculture, de ce type d'agriculture, est assez connu. Eutrophisation des eaux douces, c'est-à-dire l'appauvrissement du milieu. L'écotoxicité terrestre aussi. Enfin bref, il y a tout un tas de facteurs qui sont liés à ces pollutions, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est un mode de production qui est plutôt récent au regard de l'histoire de l'agriculture, et pourtant ça a profondément marqué notre génération et sa vision du monde agricole. Il serait biaisé de penser qu'il n'existe qu'un seul mode de production. En fait, non, il existe une diversité. Et d'ailleurs, bon nombre de pratiques actuelles sont considérées comme des pratiques innovantes, alors que pourtant elles sont inspirées de pratiques ancestrales. Ces pratiques, comme nous l'avons déjà expliqué, peuvent avoir un impact positif sur l'environnement. Aussi, une grande majorité des agriculteurs disposent déjà d'une ou de plusieurs de ces pratiques. Il faut simplement encourager ces démarches pour améliorer la durabilité des exploitations agricoles. Merci Léa et Sandrine pour ces éléments. Nous allons clôturer ce premier sujet sur la durabilité agricole après une courte pause musicale. Et ensuite, nous aborderons certains clichés liés à l'agriculture. De retour sur Agro J'écoute, toujours en présence de Léa, Samuel, Sandrine et Alix, moi. Donc après avoir étudié la durabilité en agriculture, nous allons désormais traiter de certaines idées reçues liées donc au secteur agricole. Donc écoutons tout d'abord un monsieur que nous avons interrogé ce matin au PMU. Bon, l'agriculture intensive, ça pollue beaucoup, hein. Ça empoisonne les eaux et le sol, ça nous empoisonne nous, on va mourir, hein. Alors ici, cette personne pointe du doigt le caractère polluant d'une forme d'agriculture. Mais s'agit-il vraiment d'une agriculture intensive ? Autrement dit, l'agriculture intensive pollue-t-elle ? D'ailleurs, Léa, c'est quoi une agriculture intensive ? Alors, pour définir tout simplement l'intensivité, c'est une approche, d'abord, qui vise à maximiser la production par rapport à des facteurs de production. Donc, par exemple, on peut maximiser la récolte d'une plante, du maïs, du blé, peu importe, ça c'est la production, sur une surface donnée, donc ça c'est le facteur de production. On peut aussi également, pour reprendre l'exemple de l'élevage, maximiser la quantité de lait qui est produite par une vache. Et l'objectif d'une production intensive, elle peut également d'ailleurs se matérialiser par l'optimisation du travail d'un agriculteur, donc maximiser sa force de travail, la force de travail d'une personne qui est également considérée comme un facteur de production. D'accord. Donc, à vouloir trop produire, vouloir vraiment maximiser, comme tu dis, Léa, ne va-t-on pas épuiser la terre, les animaux, les êtres humains ? Est-ce que le fait de vouloir maximiser à tout prix les productions n'implique pas d'utiliser des pesticides, des engrais, tout ce genre d'intrants ? Alors, je me permets d'intervenir parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette vision-là. Je ne pense pas que ça soit nécessaire, en tout cas, systématiquement, d'utiliser des pesticides, des engrais, etc. Tout d'abord parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il existe toutes sortes de formes d'agriculture différentes. Et donc, logiquement, il existe plusieurs manières d'atteindre un objectif d'intensivité, comme Léa l'a défini. Donc on peut très logiquement concevoir des modèles agricoles qui seraient écologiquement intensifs. Voilà. Donc ces derniers vont pouvoir tenter de maximiser les services qui sont rendus par la nature, pour ainsi minimiser l'utilisation, donc, comme tu dis, de produits chimiques ou même de temps de travail en fait. Finalement, c'est la nature qui va fournir un ensemble de services et donc on n'a pas besoin, nous ensuite, de mobiliser ces services-là puisqu'ils nous sont fournis gratuitement. Voilà. Et même si je peux ajouter, je pense même que parler d'intensivité en agriculture, ça peut vraiment être vu comme quelque chose de positif. Chercher à produire un maximum par unité de surface en respectant l'environnement peut permettre de récolter beaucoup plus d'aliments. Et dans un contexte d'augmentation de la population telle qu'on est actuellement, et sachant qu'une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée, on peut vraiment considérer comme un devoir le fait de produire suffisamment pour que chacun ait de quoi se nourrir décemment. Alors maintenant que nous avons défini ce qu'est l'agriculture intensive, j'en reviens à ma question initiale. L'agriculture intensive pollue-t-elle ? Vous semblez dire que non, pas nécessairement, mais nous sommes tous d'accord ici pour dire que l'agriculture peut être à l'origine de certaines pollutions. Alors du coup, on peut bien dire que c'est l'agriculture intensive qui en est l'origine. Encore une fois, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, je vais prendre un exemple connu. Les exploitations bovines, donc, qui importent du soja du Brésil, même si elles produisent beaucoup, elles ne sont pas intensives à proprement parler. Parce que, comme on disait, l'intensivité, c'est maximiser l'utilisation de facteurs de production. Et or, ces exploitations-là, elles nécessitent de très grandes surfaces, certes à l'étranger, mais c'est des surfaces qui sont gigantesques. Donc, d'une certaine façon, elles sont même extensives, en fait, ces exploitations. Oui, donc je rappelle quand même que, extensive, voilà, c'est l'inverse du modèle intensif. D'accord, merci à tous les trois. Pour résumer un petit peu tout ce que vous avez dit, tous les trois, vous semblez vous accorder sur le fait qu'intensif ne rime pas forcément avec polluant et que l'agriculture polluante n'est pas forcément intensive. Donc en fait, si je comprends bien, tout est affaire de compensation, puisque l'activité humaine, quelle qu'elle soit, si je suis vos propos, elle aura forcément un impact. Donc l'idée semble être de chercher à compenser cet impact plutôt. Oui, exactement. Donc tout à l'heure, on parlait de plantation d'arbres. Donc on peut imaginer un agriculteur qui émet du carbone, du CO2 dans l'atmosphère lorsqu'il utilise son tracteur. Il pourrait chercher à compenser en fait cet impact en plantant des arbres. Parce que les arbres, eux, ils stockent du CO2 justement. D'ailleurs, je me permets de faire le lien avec la partie précédente. Une agriculture durable peut être une agriculture qui vise à une intensivité de production tout en restant respectueuse de l'environnement. En cela, elle peut compenser ses impacts négatifs. Merci pour cet échange. Donc, nous allons maintenant écouter une autre personne que nous avons rencontrée ce matin également au marché. Alors écoutez, moi le bio, je trouve ça vraiment tip-top. On respecte l'environnement en se faisant plaisir. Le bio, c'est vraiment trop bien, quoi. Alors pour cette personne, le bio semble n'avoir que des avantages. Pourtant, n'y a-t-il pas des limites ? Le bio est-il nécessairement bon pour l'environnement ? Déjà, on peut commencer par définir l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique telle qu'on la connaît, selon sa définition, c'est un mode de production qui a trois objectifs principaux. Donc le premier, c'est préserver l'environnement. Le deuxième, c'est favoriser la présence de biodiversité sur la parcelle dans l'exploitation de manière générale. Et la troisième, c'est d'utiliser les ressources naturelles de manière responsable. Mais alors, dit comme ça, ça paraît positif. Mais comment ça se manifeste concrètement dans les exploitations agricoles ? Alors, de différentes manières. Donc, les exploitants biologiques, déjà, refusent l'utilisation d'intrants, donc de matières en fait, de synthèse. Donc, par exemple, des engrais chimiques ou des pesticides de synthèse. Également, ils vont favoriser donc, des pratiques durables, comme la conservation des sols, par exemple. Voilà. Alors, finalement, le bio, c'est positif, non ? Il n'y a pas vraiment de défaut. Alors oui, effectivement, mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, effectivement, un bon nombre d'études comme ceux de l'Institut de l'agriculture biologique tendent effectivement à démontrer que le bio a des effets positifs sur l'environnement et de plein de manières différentes. Mais le réel problème, c'est qu'on assiste actuellement à une industrialisation du bio. Par son effet de mode, la demande augmente et les industries agroalimentaires s'emparent du phénomène. Tous ces bouleversements, en fait, emmènent à une modification et profonde des fondements même du mouvement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de produits bio dans les supermarchés. Mais du coup, avec cette industrialisation, on arrive à des dérives, non ? Oui, je pense, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. De manière générale, l'industrialisation, comme tu dis Léa, de manière générale, le développement à grande échelle du bio, je pense, a détourné en fait cette manière, cette mode de production de ces objectifs historiques. Par exemple, bah, y a certaines entreprises ou des producteurs même qui vont uniquement se concentrer sur le respect des normes réglementaires et ce qui peut induire, enfin, ce qui n'est pas forcément suffisant en tout cas pour réduire au maximum l'impact environnemental. Par exemple, donc les normes réglementaires, elles n'excluent pas tous les pesticides, mais seulement les pesticides de synthèse, donc une liste assez précise de différentes molécules. Un autre exemple, un agriculteur, il peut être labellisé bio, donc effectivement, il ne va pas utiliser de pesticides de synthèse, mais par contre, il peut avoir des pratiques délétères sur son sol, le sol de son exploitation. Si ça n'entre pas dans le règlement bio, bah, c'est possible d'être pratiqué en tout cas sur une exploitation. Et d'ailleurs, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, pour remonter encore un peu plus dans la chaîne, on parle souvent des agriculteurs et tout, mais on parle très peu de la suite des supermarchés, par exemple, et des industriels. D'ailleurs, puisqu'on parle d'impact environnementaux, j'ai deux, trois exemples assez intéressants. Déjà, premier, est-ce que vous ne trouvez pas absurde de voir tous ces produits bio qu'on achète, mais qui sont emballés dans du plastique ? Vous achetez un paquet de gâteaux, par exemple, je ne sais pas, et là, tout est emballé individuellement et dans du plastique, quoi. Et ils réussissent même parfois à emballer du concombre, quoi, dans du plastique. Donc, quand on connaît les conséquences de nos déchets, des déchets notamment, ben voilà, plastique, dans les océans, par exemple, est-ce que ce n'est pas un peu à l'opposé d'une démarche écologique ? Alors oui, c'est vrai, effectivement, dans le cas des suremballages des produits bio, alors c'est avant tout pour éviter le mélange avec les produits conventionnels et aussi par exemple pour éviter que des clients étiquettent au supermarché des fruits et légumes bio avec des prix conventionnels. Mais par contre, effectivement, on peut se dire que c'est exclusivement d'un point de vue pratico-pratique, mais qu'au niveau de la démarche écologique, on n'y est pas encore et effectivement, il y a une marge de progrès assez conséquente à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que mais les bio et sur-emballage, ça paraît illogique. Mais d'ailleurs, Samuel, t'as pas un autre exemple à nous donner ? Oui, effectivement, il y a un autre exemple, comment dire, de dérive de l'agriculture biologique en termes d'impact environnemental. C'est tout simplement le bio qui vient de l'autre bout du monde. Enfin, c'est un peu contradictoire dans le sens où l'impact carbone qui va être lié au transport, bah, il peut annuler complètement l'effort qui sera mis dans la production, ce qui est dommage en fait. Donc on peut ajouter aussi à ça un autre aspect qui, à moi, me semble assez important, c'est qu'il existe donc différentes normes biologiques en fonction des pays, et donc qui ont des différences en termes de réglementation, et en termes de cahier des charges, en fait, tout simplement. Et donc, au final, en fonction de la norme respectée dans les pays, l'impact sera différent. C'est pour ça que c'est assez important, je pense, de se renseigner sur la norme qui est pratiquée donc en France, au niveau de l'Union européenne, et après, en fonction des pays d'où proviennent vos produits. Je pense que ça permet de mieux concevoir l'impact biologique, enfin, ou écologique en tout cas, du produit qu'on achète. D'accord, mais du coup, on achète ou on n'achète pas les produits bio ? J'ai envie de dire, le bio, c'est bien. Il y a vraiment beaucoup d'études qui démontrent leur impact positif. Mais c'est encore mieux, vraiment, si on cherche plus qu'un simple logo sur notre boîte, quoi. Un produit labellisé bio n'est pas forcément totalement respectueux de l'environnement. Donc, le meilleur conseil qu'on pourrait donner pour consommer durable, c'est d'abord de privilégier une provenance locale. Moins le produit parcourt de distance et moins il émet de carbone, donc mieux c'est. Un produit également le moins transformé possible. Voilà, les procédés industriels consomment de l'énergie, consomment des intrants, donc cuisiner des produits achetés, des produits bruts. Et enfin, un minimum d'emballage, quoi, d'éviter tout le suremballage qu'il peut y avoir. Et effectivement, si c'est bio, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais une chose à retenir, c'est surtout c'est de consommer malin. Il faut vraiment réfléchir, se poser les bonnes questions. Et non, une tomate biologique qui a fait 10 000 km pour arriver jusqu'à vous, non, elle n'est pas biologique. Voilà. Donc sur ces mots, nous allons maintenant passer à notre troisième cliché. Écoutons. Les agriculteurs, avec toutes les aides qui touchent, ben, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Hein. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend souvent, mais je pense que la question que se posent ces personnes, c'est en quoi ces aides sont-elles justifiées ? Tout d'abord, il s'agirait déjà de poser un état des lieux de l'aide financière qui est proposée aux agriculteurs. Donc celle-ci provient principalement des financements de l'Union européenne, C'est ce qu'on appelle la politique agricole commune, ou la PAC, comme on l'appelle dans le milieu, pour les intimes. Il s'agit du premier poste de dépenses de l'Union européenne. En 2018, il était de l'ordre de 56 milliards d'euros, soit près de 40% du budget total de l'Union européenne. Est-ce que c'est normal que tant d'argent soit destiné à une si petite part de la population ? En France, l'agriculture, c'est quoi ? C'est 2% du PIB ? Par rapport à ça, effectivement, donc l'agriculture, c'est à peu près 2% du PIB français. Mais déjà, je tiens à préciser une première chose, c'est que ces aides qui sont accordées donc, aux agriculteurs, elles servent à financer les exploitations et les fonctionnements des exploitations. C'est pas pour payer des piscines aux producteurs, déjà. En plus, certes, bon, 2% du PIB, c'est vrai que ça paraît pas énorme, mais il faut pointer du doigt le fait que l'agriculture, c'est une activité économique fondamentale pour le fonctionnement des zones rurales en France et en Europe en général. Et ça, l'Union européenne en a bien conscience, et c'est pour ça qu'il y a à peu près 25% de la PAC qui est destinée donc, au maintien du dynamisme rural, dynamisme économique. Donc ça peut se matérialiser de différentes manières, comme la promotion du tourisme par exemple, ou la formation des agriculteurs. Donc ça, ce n'est pas des fonds qui seront directement alloués aux exploitations. Mais finalement, est-ce que le fait qu'il soit nécessaire de subventionner l'agriculture n'est pas un signe de dysfonctionnement ? Si les agriculteurs reçoivent des aides, c'est bien qu'il est impossible de vivre uniquement de la vente de leurs produits dans le système économique actuel. Ne pensez-vous pas que ce soit un problème ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est un réel problème. Bon, voilà, malgré le fait que ce soit un secteur mineur de l'économie française, je parle, on oublie quand même que c'est une activité qui est quand même importante, pour même à l'échelle d'un pays. Il y a une importance effectivement culturelle et historique, mais il y a aussi un défi d'autonomie alimentaire. Un pays doit être autonome au niveau de sa production alimentaire afin d'être considéré comme efficient, si je puis dire. Donc perdre notre agriculture, c'est aussi perdre cette souveraineté alimentaire que la France a et que même elle exporte, vu que la France est exportatrice de produits alimentaires. Donc la PAC, en ce sens, permet de préserver cet élément important, effectivement. Mais pourquoi est-ce que c'est à la population de payer pour les agriculteurs ? Finalement, la PAC, c'est une forme de redistribution à destination des agriculteurs. Ça nous permet, en fait, à l'ensemble des contribuables, de soutenir les agriculteurs dans leur travail, tout simplement. Une solidarité de la population, dans son ensemble, à destination du secteur agricole. En fait, moi, je pense même que ça serait problématique qu'on contribue pas, nous, en fait, à l'agriculture, en général. À mon sens, ça serait ça qui serait vraiment un problème. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, sachant que la production de denrées alimentaires nous concerne tous. Hein. Nous avons tous besoin de manger, nous avons tous, et trois fois par jour, quoi. Donc, soutenir l'agriculture, c'est aussi un moyen de soutenir toute une économie et toute une culture, finalement, autour de ce domaine. Donc, si je comprends bien, la PAC s'inscrit dans une forme de protectionnisme à l'échelle de l'Union européenne pour la préservation de l'agriculture et de l'autonomie alimentaire. Oui, effectivement, c'est ce qui est évoqué Léa tout à l'heure, donc par rapport à l'autonomie alimentaire à l'échelle française et à l'échelle de l'Union européenne aussi. Mais après, il y a d'autres objectifs de la PAC qu'on n'a pas forcément trop développés, qui sont aussi intéressants, il me semble. Par exemple, il y aura une nouvelle PAC en fait, à partir de 2021, qui sera plus centrée sur justement les pratiques durables, comme le maintien des prairies ou en général sur la biodiversité. Donc en fait, ça fait un peu le lien avec la première partie de notre émission qui se focalisait sur la durabilité en agriculture. Voilà. Est-ce que c'est le seul levier dont disposent nos auditeurs pour soutenir nos agriculteurs français et européens ? Alors non, heureusement, effectivement, le choix des consommateurs est également fondamental, puisque acheter français, acheter le plus proche possible, c'est vraiment quelque chose qui contribue énormément à faire évoluer les mentalités, et le soutien financier reste de toute manière la première façon de soutenir notre agriculture. Oui, exactement, en fait. Ce que tu décris, le fait de soutenir l'agriculture locale, je pense que ça s'inscrit dans une certaine mesure dans une démarche aussi de la préservation de la tradition agricole, voilà, en général. Nous arrivons donc, chers auditeurs, à la fin de cette émission. Je vous remercie pour ces échanges constructifs, Léa, Sandrine, Samuel. Merci. Et Campus FM. Donc merci à nos chers auditeurs pour votre écoute. Merci également à nos partenaires qui sont l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale, la région Occitanie et donc le Campus FM, le studio Campus FM. Nous avons eu le plaisir d'écouter Time de Glue 70 et Paper Girl de Super Roma. Et donc à la semaine prochaine pour une autre émission d'Agro J'écoute réalisée par François Berchenko. Au revoir à tous. Yeah.